Maurice Renard, recueil de nouvelles de Monsieur d'Outremort, La gloire du Comacho, pour audio cité par Eric. La gloire du Comacho, à Edmond Pilon, et réciproquement, la géométrie. Tout finissait dans la splendeur, le jour, l'année, le siècle, l'époque. Un soir d'automne enluminait Ferrare, et sur la ville d'or, le ciel important, massait une apothéose de formes et de couleurs, digne de la Renaissance qui allait mourir. Le sculpteur César Bordone habitait contre le rempart. On reconnaissait son logis à la haute bastille de planches, dont il l'avait agrandi récemment et qui, à cette heure, retentissait d'un fracas de démolition. Le camérier ducal, guidé par un élève, s'arrêta au seuil de la baraque et vit dans une nuée vermeille quatre hommes s'activant à défaire un échafaudage autour d'une grande statue blanche. « Qu'est-ce que c'est, Felipe ? » cria l'un d'eux. « Quelqu'un du palais. « Mais c'est César Bordone ? » interrogea le camérier. « Moi. » Courtot, Rabelais, la jambe athlétique, sous le maillot poudré de plâtre, César sauta de la charpente et resta non sans orgueil dans un rayon d'éblouissement qui fendait la clarté douce. Sa laideur superbe apparut, exposée. Il offrait à la lumière un visage bilieux, criblé par la petite vérole. Ses cheveux courts grisonnaient, comme sa barbe rare traversée d'une cicatrice. Le profil et l'œil étaient ceux d'un aigle. Sa chemise bâillait sur une toison. Des bras velus et musculeux sortaient des manches retroussées. Il avait gardé sa tenaille à la main. « Mais sire, commença l'envoyé d'un ton froid. « Son Altesse, silence, là-haut. » Les apprentis, faisant relâche, regardaient la figure pincée du visiteur. « Mais sire, reprit-il, son Altesse m'a dépêché vers vous afin de vous rappeler que demain dimanche, un an se sera écoulé depuis la mort du regretté sœur Milanello, dont veuille Dieu recevoir l'âme, qui fut de son vivant statuaire attitré de la cour. » L'artiste, avec un sourire, écoutait parler le fonctionnaire. Celui-ci retraçait en longues phrases officielles ce que nul n'ignorait. Le duc Alfonso d'Este, voulant donner un successeur à Milanello, sans que, disait-il, la brigue et la faveur eussent la moindre part à cette élection, avait institué un tournoi de sculpture dont le vainqueur obtiendrait la place convoitée. Lui-même avait fixé le sujet. Andromède, avec toute liberté d'exécution. Et c'était le lendemain que les œuvres des concurrents devaient être rassemblées sur la place, où devant le peuple de Ferrare, son Altesse viendrait les juger. « Vous vous êtes mis sur les rangs, messer César Bordone. Avez-vous persévéré ? J'ai mission de toiser les statues. Notre grand camérier, messer Fraschino, est chargé de les faire transporter au lieu du concours et souhaite connaître leurs dimensions. La vôtre mesure ? » D'un geste oratoire, César montra la grande statue blanche, à moitié libre d'échafaud. L'autre ne sourcilla point, il nota seulement. 15 palmes, et termina, c'est parfait. Demain, à la 6e heure, nos hommes seront là. Dieu vous conserve. Là-dessus, il tourna les talons. Césarée lui fit par derrière un beau salut dérisoire, et ses élèves riaient comme des pages. Il bredouilla, car il s'exprimait toujours trop vite en balbutiant. « Délicieux motif ornemental pour une sorte de prison. » Puis la voix brusquement rauque, Eh bien, fainéant, vous tiendrez-vous les côtes jusqu'à minuit. À l'ouvrage. Felipe, Bartolomeo, Goro, arrivez, bene. Dépêchons-nous. Le soleil se couche. Damon, il avait regagné la plateforme. Deux soleils se lèveront demain, fit Bartolomeo. Phébus et l'autre, vous savez lequel? Un rude coup de pied l'interrompit. Assez de prédictions, flagorneur. Cela coupe la chance. La fortune déteste qu'on la précède. Fais-moi sauter cette poutrelle. Hardi! Les bois volaient, s'empilant au hasard sur le sol, jonchés de spatules, de grattoirs, de ciselets. Enfin, la statue se dressa pure et nue. Elle figurait une jeune femme très belle et infiniment triste. Son attitude était une harmonie. Et tout, dans l'inclinaison de sa tête petite, dans la pose de son corps allongé, indiquait la résignation la plus noble et la superbe indompté. Maintenant, la baraque était silencieuse, comme un temple où l'idole vient tout à coup de manifester qu'elle est vraiment divine. On admirait. « Au-dessus de tout ce qui existe !» s'écria Felipe. Césarée, plein de joie, cependant, et de vanité, regrettait. Et encore, elle n'est qu'en plâtre. « Qu'importe ?» lança Goro, qui tremblait, soulevé par une émotion voluptueuse. « C'est une merveille, maître, et vous voilà victorieux. Sainte Madone, ah, qui pourrait dans toute l'Italie muscler une académie avec autant de force et de délicatesse? Voyez !» Le torse du sculpteur se gonfla puissamment. On aurait dit qu'il allait célébrer son génie et son triomphe par quelque fanfare surhumaine. On l'entendit souffler, puis déclarer sans trop de conviction « Il faut avoir beaucoup disséqué. L'anatomie, tout est là. Disséqué, disséqué. Vous voilà riche aussi, » remarqua le petit arrivé béné, presque un enfant. « Mais, Felipe Vestri, vous battrez demain les morts eux-mêmes. Et d'abord feu Milanello, dont les crânes ont toujours été trop lourds et le modelé trop lisse. Hein, Goro? Pardieu, l'Andromède de César Bordone est plus belle que le Mercure de Milanello, plus belle que le Persée de Cellini, plus belle que... » Furieux, Césarée l'arrêta. « Pourquoi tant de comparaisons, imbécile? C'est beau, cela suffit, c'est beau, voilà tout. » Felipe corrigea. « Non, non, maître, ce n'est pas tout. Du moins dans les circonstances actuelles. Et réjouissez-vous d'avoir fait une Andromède qui surpasse le bronze de Benvenuto Cellini. Depuis trop longtemps, le duc Alfonso envie aux Médicis la possession du Persée. N'en doutez pas, si pour thème du concours il a choisi Andromède, Andromède l'épouse est pour ainsi dire le pendant de Persée. Oh oh, ceci fleure la taquinerie de voisinage. Malheur donc au statuaire qui aurait surmonté ses rivaux sans égaler le Florentin. Mais soyez tranquille, on dit qu'à l'inauguration du Persée, 20 sonnets furent épinglés aux tentures. Demain soir, vous en lirez le double sur le piédestal que voici. « Maître, c'est bon de vous voir rire. Je croyais que vous ne saviez pas, » dit Goro. Le petit arriva béné s'approcha, les bras levés, rouge et pâle dans un seul instant. « Laissez-moi vous embrasser, s'il vous plaît, » fit-il d'une voix mal assurée. Et comme César, tout remué, se penchait vers lui et l'étreignait, l'enfant chuchota, « Peut-être quand vous serez riche et renommé, peut-être que Monna Chiarina reviendra. » César Bordone se redressa comme on s'éveille en sursaut. Deux soufflets claquèrent sur les joues d'Arriva Bene. « J'ai défendu qu'on m'en parle. Je veux qu'on m'obéisse, chez moi, entends-tu? Vipère, mauvais gamin, Judas, ordure !» Mais le petit avait refoulé ses larmes, et il contemplait la statue avec tant d'amour que César Bordone lui pardonna dans son cœur. « Allons, » dit-il joyeusement, « Sauvez-vous, mes gaillards, on n'a pas perdu sa dernière journée. Soyez discrets, surtout. Rappelez-vous que jusqu'à la suprême minute, il est interdit de révéler quoi que ce soit, sous peine de disqualification. À demain, mes braves, ici, à la cinquième heure, pour abattre un pan de la baraque. Arriva bene, viens que je t'embrasse, mon fils. Si nous passions la nuit à veiller sur la statue, proposa Felipe, il suffirait d'un jaloux et d'un marteau. La réponse fut « Va boire, mon garçon, les gens de Comacho n'en perdent rien. Va boire avec tes camarades. Tiens, voilà deux pistoles. Je n'en ai plus d'autres, mais demain, demain vous serez la lumière de Ferrare. Oui, oui, à demain, Goro. Honneur à vous, César Bordone. À demain, Bartolomeo. » Felipe Vestri se retourna dans la porte et brandissant très haut sa toque de feutre à la plume écarlate, « Gloire au Comacho ! » s'écria-t-il. Enthousiasmés de la découverte, les autres s'arrêtèrent, et les disciples transfigurés acclamaient César et du même cri « Gloire au Comacho ! » Le Comacho ! Seul, immobile, campé face à face avec la géante de plâtre, César et Bordone écoutaient le vivat se répercuter dans son esprit, devenu profond de souvenirs et d'espoir, et semblable au paysage de sa destinée. Il revoyait son enfance pouilleuse et boueuse au bord des lagunes adriatiques, parmi la marmaille des pêcheurs, sa vie d'acharnement et de déboire. Et voilà que lui, le fils d'un muletier de Comacho, le fils du plus humble citoyen de la plus humble bourgade, on l'appellerait le Comacho, du nom de sa ville natale, comme le Perugine, comme le Vinci. Oh, Felipe avait crié cela vers l'avenir. Le monde futur le redirait jusqu'à la fin des temps. Et puis du reste, quoi de plus raisonnable, le Comacho, que ses syllabes se prononçaient aisément. Ainsi c'était donc lui, César et Bordone, qui auraient illustré l'obscure cité maritime, et grâce à Madame Andromède, quelques sacs de poussière gâchés avec industrie. César et Bordone se sentit grandir à la taille de son destin. La mesure disparaissait à ses yeux. Il était grand seigneur, logé au frais de la cassette, dans un palais, peut-être même dans ce palais Belfiore, où le duc avait hébergé Cellini. Mais une odeur puissante frappa ses narines et lui fit tourner la tête. Un maigre vieillard s'était introduit jusque-là dans le silence d'une vision si furtivement que le sculpteur resta quelques secondes les sourcils haussés avant de s'ébahir. « Hola, mais par le diable, Bicôme, voilà Ser Jacopo Tubal. » Muel, le nouveau venu, considérait la nymphe monumentale à qui le soir prêtait des nuances de chair. Nez pesant, barbe de Moïse, c'était un juif. Il clignotait derrière des besicles de cornes, au vert bleuté, épais et ronds comme des loupes, qui violaçaient et déformaient ses yeux sanglants. Un chapeau flamand lui tombait sur les oreilles, et sa dalmatique de laine sentait le soin à 10 pas. Il fit une référence de petite vieille. « Qui t'amène ?» interrogea César le verbe rude. « La politesse, la politesse, magnifique messer. » Il crachotait, ricanait, faisait l'empresser. « Oui, et... Je venais vous rappeler, les grands artistes sont si étourdis, vous rappeler que demain soir, vous devez me compter 900 ducats, solde de votre petit emprunt de l'an 1576, dont je ne fus remboursé que d'un quartier, plus les 250 ducats de l'an passé, le tout faisant ensemble, avec les intérêts au denier 12, 1460 ducats, n'est-ce pas vrai ? Son regard n'avait pas quitté la statue. Il se frotta les mains perpétuellement et ne cessait d'exécuter inclination sur inclination. Le miel est moins doux que n'était sa parole. « Les aurez-vous, messeurs, ces 1460 ducatinets ? Hé hé ! Je lis sur vous, honorable figure, que vous les tenez déjà. » César le faisait reculer devant sa truculence. « Si je les tiens, corps du Christ, non, mais je les tiendrai quand il faudra, et d'autres encore qui ne tomberont pas dans ton escarcelle. Je les aurai, tes ducatissimes. Tu le sais autant que moi, vilain crocodile. Tu sais bien pourquoi je t'ai demandé de l'argent l'année dernière, pour les frais de ma statue. J'en voulais davantage, souhaitant qu'il fût de marbre. Tu ne m'as consenti que la valeur d'un plâtre, mes foins. Et tu sais pareillement que si j'ai fixé l'échéance à demain, c'est que j'étais sûr de vaincre ce jour-là. C'est que demain, mon bloc de mortier sera le point de mire de l'univers. C'est enfin que j'aurai touché les 2000 florins du prix, et sans doute quelque avance sur ma pension. Oh, messeurs, si vous êtes sculpteur de son Altesse, j'attendrai. Si je suis... En doutes-tu, vieux bouc? Ne vois-tu pas mon Andromède? Où te déplairait-elle? L'œil rouge sembla pétiller. Le feu monta aux pommettes du juif. Il répondit humblement toujours, mais avec une sorte d'ardeur, et comme se parlant à lui-même, « Certes, je la vois, et Toubal ne lui mesurera point sa louange. C'est un beau simulacre, et voilà bien Andromède. Je la reconnais, encore qu'on ne découvre ni rocher, ni chêne, ni monstre marin, ni percée à cheval sur Pégase. Tous les bannis au cœur vaillant, tous les persécutés qui attendent un sauveur, sont de même race. Andromède est du sang de Jacob, et je n'ai pas besoin qu'on me l'exhibe avec un attirail pour saluer de son nom la sœur d'Israël. Admirable morceau, messer Bordone, et d'un caractère sublime. À la bonne heure. Flatté d'un éloge moins banal que de coutume, Césarée se rengorgeait. Et poursuivit le prêteur. Si l'on ajoute à ses mérites la perfection du métier, l'œuvre rappelle étrangement certaines figures de certains tombeaux. J'ai travaillé 4 ans avec Michelagnolo Buonarroti, proclama Cesare Bordone, et je sens qu'il aimerait mon Andromède. Et puis, dites, messère, vous aviez à coup sûr un modèle incomparable. Qui vous a posé cela? Oh, mais il me semble... N'est-ce point Mona Chiarina? Par le Tout-Puissant, votre femme vous est revenue. Mon bon monsieur, loué soit l'Éternel. Sur le coup, le sang de Césarée lui parut bouillonner. Cependant, le juif n'avait pas l'air moqueur. Et c'était un sire aménagé. Le sculpteur se contint, baissa le front et dit les yeux fixés sur la pointe de ses mules. « Comprends-tu que c'est elle ?» Sans que ce soit elle, comprends-tu que si je l'avais eue, là devant moi réellement, ma statue serait moins vraie d'être trop vraie. Je l'ai modelée d'après ses études d'autrefois. Tiens, regarde. Il empoigna des cartons bourrés d'esquisses et fit un étalage de sanguines, de fusains, de mines d'argent et de dessins à la plume représentant la même adorable fille dans toutes les postures de la grâce. Maintenant retourne à la statue. Vois, son visage n'est pas celui du modèle impassible. Tous mes désespoirs s'y reflètent. Il se battait la poitrine et ses poings massifs la faisaient retentir. Amour trompé? Demanda le juif avec intérêt. Ça ne serait rien. Toubal. Ambition déçue? César confessa dans un souffle rauque. Oui, mais demain, ajouta-t-il, aussitôt. Rayonnant de bonheur. Ah, demain, mon cher ami, la Providence acquittera ses dettes envers Césarée, comme Césarée envers Jacopo. Alors le bonhomme scanda d'un ton plein de sous-entendu. En êtes-vous certain? Quoi, hein? Sans doute. Qui donc l'emporterait? Je n'ai que deux concurrents, Pico Pici et Scipione Tribolo. Le premier sculpte comme un tailleur de pierre, le second comme un peintre. J'ai vu leur Andromède. Comment est la consigne du secret? Je les ai vus, messeurs. Pico Pici présente une statuette de trois palmes en terre blanche de Faenza. Est-ce Andromède avec le dragon? Cela se peut. Est-ce une Ève au serpent malin? Cela se peut aussi. Je préfère l'envoi de Tribolo, bien qu'il puisse s'intituler courtisane appuyée au mur céramique. Vague portrait d'un Peria, sa maîtresse du jour. Ivoire et marbre polychrome, cabochon, métaux, niellés. La rochette de porphyre, les chaînettes d'argent, des bracelets. L'héroïne porte une ferronnière, jolie pièce montée que l'on dirait mangeable. Vous n'en donneriez pas deux quatrini. Cesare ne put s'empêcher de rire. Que t'avais-je dit, tu vois bien, je n'ai rien à craindre d'un maçon et d'un orfèvre. Messer, vous avez prononcé le mot terrible. Orfèvre. Aujourd'hui, ces gens-là sont maîtres de la mode. Le statuaire le saisit au poignet. Veux-tu prétendre que Tribolo seul, parce qu'il est orfèvre? Non. Seigneur, lâchez-moi, vous me faites mal. Non. De son Andromède à la vôtre, la distance est trop visible. On ne peut s'y tromper. Celle-ci prévaudra. Bien qu'elle soit en vérité comme un défi au goût régnant, avouez-le. D'abord, elle conserve je ne sais quel aspect de maquette, et l'on aime le fini. Vous répliquerez que, de la sorte, elle a l'air de son propre rocher, ce qui ne va point sans grandeur, d'accord. Mais l'absence d'attributs, comment la ferez-vous passer? L'excellentissime duc, tout le premier, qui voulait quelque chose dans le genre du Persée, prendra votre statue d'Andromède pour l'ébauche d'un nu quelconque. Enfin, la matière est misérable. La matière serait le marbre, si tu l'avais voulu, tonna César et Bordonné hors de lui. La matière sera le marbre quand le duc m'aura pensionné. C'est un dilettante plus fin que tous les ânes de juifs qui bavent dessus. Les imperfections de ma statue, ah, je ris à me crever la panse. Mais ce sont ses principales qualités. Tout le monde s'en apercevra tout de suite. Ah, quand elle sera de marbre blanc, tout de marbre. Bientôt. Demain, tout bal, entends-tu, fils de porc, demain matin, le camérier Fracchino l'emportera. Et demain, l'argentier. Girolamo Gigliolo m'aura versé 2000 florins. La richesse et la gloire, maître sot. Je parie 20 doublons du contraire, dit le juif tranquillement. Un furibond se jeta sur lui, et les larges pouces du modeleur s'enfoncèrent dans ses épaules chétives. Où veux-tu en venir à la fin? Rugissait-il. Depuis une heure, je te vois tourner autour du pot. Parleras-tu? Parle, ou je t'étrangle. Eh, tout doux, magnifique messer, tout doux, il y a quelqu'un dans ma peau, bouffonna le vieillard, patelin comme un esclave battu. Mais parle donc! César avait lâché prise et tremblé de colère. L'autre, s'étant rajusté, mit quelque intervalle entre eux et commença. Vous savez, messer, ce jeune patricien de Ferrare est cousin de son Altesse qui s'avisa de travailler les métaux. Fit son apprentissage à Bologne chez l'orfèvre Ascario Peluzzi et vint ensuite se perfectionner sous votre direction. Césarée, jaunissant à vue d'œil, respirait fortement, tel ceux qui étouffent. Il vociféra dans un cri de rage « Baccio dell'attacca !» Puis, haletant, « Eh bien, eh bien !» C'est avec lui, si je ne me trompe, que votre épouse s'est sauvée. Passe, passe, grondait le supplicié. Toubal, doucereux mais vindicatif, s'abstinait. Avec lui, n'est-ce pas, qu'elle vit dans le péché d'amour au-dessus de tout Ferrare et... Une voix inconnue et qui hachait les mots questionna. Est-ce Baccio qui doit avoir le prix? Sur un signe affirmatif, l'orage éclata de nouveau. Chien, va-t'en, sors d'ici, pourceau. Je te chasse, vendeur de Christ, marchand de Dieu. Va-t'en, bête ignoble. Tu as l'haleine d'un soupirail et tu ris comme une tête de mort. Va-t'en, je te dis. Mais devant la retraite du Juif, Césarée se modéra. Non, non, reste, explique-toi, comment cela se fait-il? Je ne savais pas qu'il fût de la joute. Il causait, à présent. Nul ne le savait, messer. Le complot s'est tramé proprement, sous cap. C'est un coup monté avec le duc. Mais le concours, comédie pour satisfaire la ville et les artistes, on a combiné tout en faveur de Baccio. Oh, le pire de mes élèves! Un fabricant de fermoirs et de salières, un joaillier. Précisément. Un artisan privé de cœur, un bijoutier bellâtre. Et un cavalier qui sait mettre le poing sur la hanche. Je l'aurais tué, si je n'avais préféré ma gloire à ma vengeance. Ah, Baccio, félon, mauvais disciple. Mais Toubal, nous rêvons. Il n'a point fait une Andromède qui puisse affronter la mienne. Si, dans un sens. De qui le tiens-tu? Son palais avoisine ma maison là-bas, près de la porte et de la mer. Depuis quelque temps, j'avais surpris des allées venues dans le jardin. Baccio faisait construire une espèce de cahute, et voilà qu'une épaisse fumée s'en échappa durant plusieurs jours sans relâche. La nuit, des reflets de fournaises empourpraient les verdures. Aucun doute, il fondait une pièce d'importance. Hier, une servante, soudoyée, m'ouvrit la poterne. J'ai pu voir la statue. Et tu l'estimes? Fort au-dessous de la présente, mais pourtant remarquable. Par l'effet d'un prodige, deux titans revivent en vous deux à l'improviste. Michelagnolo Buonarroti et Benvenuto Cennini. Mais vous n'êtes pas Michelagnolo, de qui l'étoile en imposait, et la statue de Baccio, étant de l'école de Cennini l'orfèvre, répond mieux aux souhaits du prince comme aux désirs populaires. Et César anxieusement. Bah, tu crois que le peuple, les grands, tous. Allons donc. Je ne vous enseignerai pas que ni les uns ni les autres n'ont compris Michelagnolo. Trop loin d'eux, il leur semblait petit. Parbleu, vous écrasez Pico Picci et Scipione Tribolo, mais Baccio della Tacca vous écrase à son tour, d'autant plus aisément que c'est chose convenue. Pauvre Bordonnais enlaidi par la haine, tourné au hasard, poussé par un besoin d'agir. Tout, il m'aura tout pris, amour, fortune, gloire. Ah, tu mens, juif, tu m'égares, pour je ne sais quelle fin, tu trafiques je ne sais quoi de louche, mais par la sainte croix tu mens. Si vous avez l'esprit impartial, je vous prouve sur l'heure que j'ai dit vrai. De quelle façon? Je puis vous introduire chez Baccio. Ils se regardèrent un instant. Viens vite alors. Avant de mettre son pourpoint, le sculpteur vêtit une cotte de maille. C'était l'usage. Au surplus, il avait de nombreux ennemis, avec lesquels il ne pouvait faire trêve, ne possédant jamais les 300 ou 400 écus nécessaires à la caution. Toubal ne s'émut donc pas de la cotte, mais lorsque Césarée choisit dans ses dagues, au lieu de n'importe laquelle, une lame trapue, dont il vérifia le double tranchant, l'inquiétude le prit. Halte-là, messer, nous ne sortirons pas que vous ne m'ayez promis d'être sage, au moins dans le palais de la Tacca. C'est juré, sur la Madone. Allons, j'attends. Sur la... Mordieu, peste soit du vironneur, sur la Madone, là, j'en fais serment. Il eut un regard indéfinissable vers la statue, s'enveloppa d'un ample manteau, et la barrette au front sortit avec le juif.